Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans le temps et dans l'espace que représente un coup de marteau porté sur un mur de béton. C'est court, un instant bref, soudain, violent. Le résultat est faible, à peine une éraflure, quelques éclats de béton qui tombent au pied du mur à Berlin. Dans le temps et dans l'espace que représente une barrière qui se soulève, c'est plus long, quelques secondes, quelques minutes. Le 9 novembre 1989, cette barrière relevée ouvre une route, celle d'un pays qui se libère quand des centaines de milliers d'Est-Allemands regardent vers l'Ouest, exaltés et inquiets. En 1989, un monde bascule. Mais que représente l'année 1989 dans la guerre froide? Ces décennies de tensions entre les blocs quand l'apocalypse est crainte ou annoncée. D'un coup de marteau dans un mur en béton à un demi-siècle d'affrontements dans le monde entier, comment raconter la guerre froide 30 ans après la chute du mur? À quelques mois des élections municipales, le cours de l'histoire a consacré 4 émissions cette semaine à nos villes et à notre capacité de vivre ensemble. Des émissions riches, les invités ont dit beaucoup de choses, c'était passionnant. Bah tiens, justement, vous pouvez réécouter ces émissions en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, ou nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur de Berlin, le cours de l'histoire se plonge dans la guerre froide. Oui, 1989 est-elle vraiment l'année où le monde a basculé? Avec vous, Pierre Grosseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, vous êtes l'auteur. Alors, l'auteur de 1989, l'année où le monde bascule, c'est un livre qui est sorti il y a 10 ans déjà, qui ressort aujourd'hui largement enrichi parce que l'histoire se construit sans cesse. Et vous êtes l'auteur également de L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle. Ce XXe siècle est en sans cesse relecture. C'est un peu pour ça que j'imagine vous avez pris votre ouvrage 1989, l'année où le monde bascule. Et en fait, il faut relire complètement votre propre écriture. Relire complètement, non, heureusement. Non, tout parce que... heureusement. Sinon, ça serait terrible. La postface est conséquente. Oui, la postface est conséquente parce que elle insiste sur deux thématiques importantes. La première, c'est qu'il y a eu des travaux nouveaux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en 1989. Là, dans cette postface, je travaille essentiellement sur tout ce qui touche à la guerre froide, même si le livre va bien au-delà de la question de la guerre froide. Et puis le deuxième axe de cette postface, c'est de montrer que les interprétations peuvent aussi changer. Déjà, en 2009, donc il y a 10 ans, on avait un regard un peu moins positif, d'une certaine façon, sur 89. Et ce qui est très frappant cette année, c'est une impression de gueule de bois en disant, ben, finalement, depuis 89, on n'est pas allé vers plus de progrès et de bonheur, mais plutôt dans une situation difficile, à la fois d'un point de vue géopolitique, par exemple avec la Russie, et d'une façon générale dans nos sociétés européennes. Eh bien, avec vous, Pierre Grosseur, nous allons replacer cette année 1989 dans l'immensité qu'est la guerre froide, avec ces questions, mais où commence vraiment la guerre froide? Et où finit-elle? A-t-elle vraiment fini? Et puis avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Isabelle Clark, bonjour. Bonjour. Et Daniel Costel, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, auteur du documentaire Apocalypse, la guerre des mondes. Ce sont 6 épisodes diffusés en 2 fois. Alors la première vague de diffusion, c'était mardi dernier, et la prochaine, c'est mardi prochain sur France 2 à 20h50. J'ai envie tout de suite de vous demander, vous avez des retours déjà, parce que mardi, les premiers épisodes ont été diffusés. Comment vous regardez un petit peu, parce que j'imagine quand on est réalisateur, je suis sûr, on regarde un peu les retours. Qu'est-ce que ça donne? Non, mais on les regarde avec anxiété et on est tout à fait, on se jette sur les audiences. Le problème des audiences, c'est d'abord que existe aujourd'hui ce qu'on appelle le replay, c'est-à-dire qu'en réalité, une partie des audiences est cette soirée-là et l'autre partie est plus tard, et en fait la comptabilité est l'ensemble. On peut estimer, si vous voulez, qu'on va être entre 2 et 3 millions de téléspectateurs, ce qui est, je crois, très très bon. C'est pour nous, c'est une vraie récompense et c'est vraiment très bien parce que par rapport aux autres apocalypses, si vous voulez, aux autres. Oui, parce que vous êtes, vous avez fait les guerres, vous avez fait différents axes pour essayer de comprendre l'histoire du XXe siècle à travers les archives, des archives colorisées. C'est un sujet Isabelle un peu Clark. Plus compliqué pour les Français, je pense, cette période de l'histoire. Les Français aiment qu'on leur raconte la Seconde Guerre mondiale parce que leurs parents, leurs grands-parents y étaient. Mais voilà, on a notre socle de téléspectateurs, 2 millions de téléspectateurs à l'antenne, c'est formidable. Moi, j'ai regardé Twitter un peu, c'est très très bon, les gens aiment beaucoup ce qu'on fait. Il y en a même un qui a dit c'est bien mieux que Netflix, donc c'est plutôt un compliment. Et voilà, on est content. Avec vous, nous allons pouvoir évoquer comment raconter la guerre froide, parce que la guerre froide est une période longue et complexe. En histoire, la narration est toujours un élément difficile à mettre en place, d'autant que sur des périodes comme ça, quand on porte un regard particulier, évidemment, il peut y avoir des débats, des contestations et des réflexions autour de l'objet d'étude. Nous allons en parler avec vous deux, Isabelle Clark, Daniel Costel, et avec vous, Pierre Grosseur. Mais avant notre discussion, un bricolage magique et sonore de Perret Legras, qui réalise également cette émission, avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnay. Oui, Perret s'est emparé des archives de la guerre froide. Et il nous permet une plongée dans cette période hallucinante, celle de la guerre froide. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 1945, il est exactement 15h32, et nous venons de pénétrer dans la capitale du Reich, dans le cœur de Berlin. En octobre dernier, les États-Unis ont annexé par décret un territoire de plus d'1 800 000 km². De Stettin sur la Baltique, à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Et ces images de tramways bondés sont peut-être les dernières que les Berlinois verront d'ici de longs jours. Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Sous la conduite du général Walker et du général Dean, héros des combats de Taejon, les troupes américaines tentent désespérément de stopper l'élan des Nord-Coréens. The Suez Canal, storm center of controversy for weeks, now becomes a cause of war in a lightning sequence of diplomatic and military moves. Acting therefore in the defense of our own security, pour la défense de notre sécurité et de tout l'hémisphère occidental, j'ai décidé que les premières mesures suivantes seront prises immédiatement. Surveillance de Cuba et de ses installations militaires, si ces préparations militaires offensives des Russes à Cuba continuaient, d'autres actions seront justifiées. Les événements de Kaboul inquiètent sérieusement Washington. À plusieurs reprises, les Américains ont fait savoir aux Russes qu'ils ne pourraient pas rester indifférents devant une satellisation progressive de l'Afghanistan. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Traversée dans la guerre froide à partir d'archives, et nous entendons bien dans ces archives que la guerre froide se raconte au moment même où elle les présente, où elle se construit, se raconte avec de la propagande, c'est une évidence, on l'entend, propagande de tous les pays en fait, des États-Unis, propagande de l'URSS et de partout. Et puis il y a les actualités. Vous, Pierre Grosseur, vous avez étudié particulièrement cette période, parce que quand vous écrivez votre ouvrage 1989, l'année où tout a basculé, vous prenez l'ensemble de la période, on ne peut pas comprendre une année sans la mettre dans un contexte plus long. Ces discours-là sont difficiles à manier. L'historien que vous êtes dispose de sources considérables, mais sans cesse vous êtes confronté à un discours orienté. Oui, forcément, il y a souvent du discours orienté parce que c'est une histoire qui est aussi très politique et qui couvre l'ensemble du monde, des régions très diverses qu'on connaît plus ou moins bien. Il faut voir quand même qu'il y a depuis le moment où les archives ont été ouvertes, et les archives américaines et britanniques ont commencé à être ouvertes dans les années 60, un nombre absolument considérable de travaux. Et surtout depuis la fin des années 80, on a accès à ce qu'il y a de l'autre côté du rideau de fer, c'est-à-dire des archives soviétiques, des archives chinoises, des archives vietnamiennes. Et donc ça permet quand même de relire énormément d'épisodes de la guerre froide et de modifier beaucoup de visions que l'on avait auparavant. Alors dans ces visions que l'on a auparavant, c'est vrai que la guerre froide, nous l'apprenons à l'école, nous l'apprenons au lycée. C'est vrai que c'est quelque chose qui est incontournable des programmes scolaires au collège, en terminale, programme de terminale, la guerre froide. Déjà, dans cette réflexion que nous pouvons porter aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur sur la période, question, quand faire débuter la guerre froide? Est-ce que les dates qu'on nous propose habituellement juste après la Seconde Guerre mondiale ou quand Staline évoque la mise en place d'un rideau de fer en Europe, est-ce Churchill. Que... J'ai dit quoi? Staline, Churchill, pardon, excusez-moi, quand Churchill évoque que Staline a mis en place un rideau de fer en Europe, est-ce que ces dates sont encore valables aujourd'hui? Alors, la grande spécificité de la guerre froide, c'est que par rapport à d'autres guerres, il n'y a pas de déclaration de guerre. Et il n'y a pas eu vraiment de traité de paix. Donc de savoir exactement quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a terminé, c'est assez compliqué. Et on a en plus des regards qui peuvent être très différents sur la guerre froide. Si vous insistez énormément sur la question idéologique, c'est-à-dire la rivalité entre le communisme et le non-communisme, eh bien c'est dès 1917 que vous avez les guerres froides. Et d'ailleurs, dans la chronologie de l'histoire soviétique et russe aujourd'hui, la guerre froide commence en 1917 et elle n'a pas été froide puisque vous avez les interventions des Américains, des Français, des Britanniques, des Japonais, etc., etc. Donc ça, c'est la vision idéologique. Si vous avez une vision, j'allais dire, assez géopolitique, vous pouvez considérer que finalement la guerre froide n'est que la continuation d'une grande rivalité sur toute l'Eurasie entre l'Empire britannique et l'Empire russe qui a structuré la relation internationale. C'est là où les Français ont un peu de mal parce que nous, tout se passe sur le Rhin, mais l'essentiel de l'histoire quand même au 19e et au 20e siècle, ça se passe bien ailleurs que sur le Rhin. Et donc finalement, les Américains prennent le relais des Britanniques dans des conditions complexes à partir de 1945. Et on le voit, l'Afghanistan, il y avait déjà eu des guerres directement entre Britanniques et Russes, mais c'était un enjeu entre Britanniques et Russes. Le Japon était l'allié du Royaume-Uni face à la Russie en 1902, ça devient en 1951-52 l'allié des États-Unis face à l'Union soviétique. Vous avez un certain nombre de constantes. Après, en termes chronologiques, évidemment, 45 est important, non pas parce que vous avez rupture de la Grande Alliance, il n'y a pas du tout rupture de la Grande Alliance en 1945, mais vous avez un vide de puissance en Europe, un vide de puissance en Asie, et ensuite il y aura le vide de puissance dans le tiers-monde parce qu'il y a la décolonisation. Ensuite, en termes de chronologie, la vraie rupture, c'est au cours de l'année 47, ça je crois que c'est une date que tout le monde a dans la tête, mais pas tout de suite en 47, c'est vraiment la création du Cominform en octobre 1947 qui transforme énormément les choses. Et enfin, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la guerre froide telle qu'on la connaît, en fait, elle date de au moins de 1950. C'est-à-dire que, en gros, en 49, en Europe, on a l'impression d'avoir gagné la guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a le traité de l'Atlantique Nord, avril 1949, et mai 1949, la naissance de la RFA. Et la grande mutation, c'est que vous avez trois événements majeurs qui se passent ensuite. La bombe soviétique, la victoire des communistes en Chine, hein, 450 millions de communistes qui passent, de Chinois qui passent du côté communiste, et surtout le début de la guerre de Corée. Et donc ce qu'on connaît, c'est-à-dire la militarisation de la guerre froide, le radicalisme idéologique dans la guerre froide, c'est après 1950 seulement. Et d'ailleurs, alors oui, Isabelle Clark. Non, mais c'est juste, je pense que peut-être qu'on peut rappeler que c'est George Orwell qui a évoqué pour la première fois la guerre froide en 45. Et parce que le mot guerre froide, l'Amérique a la bombe atomique et il pressent que ça va suivre. Donc il annonce la guerre froide. Et que la Chine aura l'arme atomique aussi en 1945. C'est pour ça que le texte n'a pas une importance considérable. C'est vraiment à partir de 1946-1947. Oui, mais c'est quand même l'arme atomique qui va peut-être nous porter vers la guerre froide. Et effectivement, on sent bien que c'est le regard porté qui peut permettre d'analyser le moment où commencent ces affrontements. Donc si on est sur un regard d'armement, c'est vrai qu'on a une date précise, c'est 1945. Oui, vous voulez dire Pierre Costel? Daniel Costel. Je suis totalement d'accord, évidemment, avec l'analyse de Pierre Grosser. Mais si vous voulez, nous avons cherché à mettre en image, si vous voulez, d'une manière la plus vivante possible. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, au passage, je vous signale, tout à l'heure, vous avez parlé de colorisation. Nous, on n'en parle jamais. Vous n'utilisez pas le mot colorisation. Remise en couleur. Remise en couleur. C'est-à-dire que la couleur, pour nous, est un élément historique comme le reste. Mais si vous voulez, de cette histoire vivante, de cette histoire brutale, il sort deux éléments en réalité. Et c'est ça que je voudrais dire à Pierre Gosset, parce que son analyse est longue et pertinente. Mais moi, je trouve que l'analyse qui consiste à dire en 1945, Staline a 20 000 chars et 4 millions d'hommes, et qu'il lui faut une journée à peu près pour arriver à Gibraltar. Je parle de Potsdam, c'est-à-dire le début de cette... Mais, si vous voulez, le début de notre série est encore, si j'ose dire, moins révélateur que la suite. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les États-Unis, à ce moment-là, décident quelque chose de fondamental qui est où sont les frontières de l'Amérique ? Est-ce que c'est Berlin ? Est-ce que c'est Paris ? Est-ce que c'est Londres ? Et est-ce que c'est New York ? Pour des tas de raisons, ils vont décider que c'est Berlin. Mais ils n'ont aucun moyen à l'époque. Je parle de juillet 1945. La première bombe atomique n'a pas encore été essayée à la Mont-Gordeau. Donc, si vous voulez, l'implication de l'Amérique, qui est une implication d'abord d'un caractère formidable qui est celui de Truman, et ensuite cette idée qu'après l'arme nucléaire, qu'on va arrêter les Soviétiques, parce que les Soviétiques ont un impérialisme et un besoin de conquérir le monde. Je finis très vite, simplement, ils vont pas pouvoir le faire, alors ils vont grignoter à droite, à gauche, en Indochine, en Corée, et partout où ils pourront avancer. Ils vont avancer partout. Daniel Costel, vous venez de dire la chose qui m'intéresse moi le plus dans la démarche, et vous dites, et c'est un postulat, l'URSS veut conquérir le monde. C'est un impérialisme qui veut conquérir le monde. Mais ce sont vos mots. C'est pas un postulat. Non, c'est une constatation. C'est une constatation qui est absolument pas corroborée par les archives. C'est quand même un gros problème dans toute votre analyse. Non mais attendez. Attendez, je peux quand même dire les choses parce que moi je suis historien et je voudrais quand même mais que nous les aussi, étudiants nous sommes historiens. Et on ne doit pas lire les mêmes livres à ce moment-là. Non, ben oui. C'est vrai que vous n'êtes pas dans la bibliographie de quoi on parle. On parle du collège scientifique et historien qui est avec nous, avec Georges-Henri Soutou et les autres, c'est-à-dire avec Pierre Rigoulot, avec... Soutou, vous le... Quoi, quand même. Oui, je le connais bien. Mais justement, moi, j'ai fait, si vous pouvez lire la critique que j'ai faite de son livre sur la guerre froide, il n'a pas travaillé dans l'archive soviétique. Il n'y a pas une ligne dans ce qu'on a fait qui n'ait pas été vérifiée par un collège d'historiens. Eh bien, si vous voulez, moi, je peux vous faire la liste de toutes les choses qui sont fausses dans ce que vous dites. Monsieur, je peux faire une liste très longue. C'est un cas typique de procès. Pourquoi ? Mais pourquoi de procès ? Parce que, à ce moment-là, vous vous attaquez directement à Soutou. Pas une ligne n'a pas été vérifiée. Yvan Cadeau, pour je vous, le connais un petit peu. Pas un historien. Mais si, tout à fait. Mais sur la guerre d'Indochine, il y a quelque chose qui sont... historien. Mais sur la guerre d'Indochine, on pourra en reparler, d'ailleurs, sur la place que vous donnez à la guerre d'Indochine. Mais là, je suis en train de parler de ce qui se passe en 1945 et de dire qu'il y a un impérialisme soviétique et les soviétiques veulent tout conquérir. On a le temps, Daniel Costel, de développer. Ouais. Sur ce moment 1945, Daniel Costel, vous évoquiez une volonté d'impérialisme de l'URSS. Pierre Gosser, qu'est-ce que vous vouliez dire sur cette question-là ? Non, c'est que l'Union soviétique, et Staline en particulier, est extrêmement prudent et veut maintenir la Grande Alliance le plus longtemps possible. Et que en termes d'annexion, c'est des annexions, je parle d'annexions pour l'Union soviétique qui sont très très très ciblées, c'est-à-dire par exemple Kaliningrad ou les îles Kouriles, parce qu'on a peur du relèvement Stalingrad. De l'Allemagne et du Japon. Kaliningrad, vous savez pas où est Kaliningrad ? Bon. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous m'avez parlé d'annexion de Stalingrad. De Kaliningrad. Ah oui. Bon, l'autre élément. Ben non, mais j'ai parlé de Kaliningrad. Donc l'autre chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que Staline a été très intransigeant parce que justement les Américains ont la bombe et donc il peut pas faire n'importe quoi. Mais dans plein de cas, on a Staline qui est plutôt un opportuniste et encore une fois qui essaie de se constituer des glacis parce qu'il y a quand même eu 27 millions de morts et une invasion de l'Union soviétique, un glacis en Europe de l'Est et encore il n'y a pas de plan prédéterminé pour ce glacis. Qu'est-ce que vous racontez, Le nord de l'Iran. On pourrait reparler de la crise iranienne de 46 assez longuement, et le nord de la Chine, et le nord de la Corée. Et il y a plusieurs cas, par exemple le cas de la Corée, juste parler du cas de la Corée, pour montrer quand même que cette idée d'impérialisme complet de l'Union soviétique qui voulait tout conquérir en 45 est extrêmement discutable. Ce sont les Américains qui, au moment de la capitulation japonaise, aux alentours du 12 août, fixent la ligne des 38e parallèle, avec les Soviétiques qui vont désarmer les Japonais au nord et les Américains qui doivent désarmer les Japonais au sud. Il n'y a pas un soldat américain en Corée. Si Staline avait voulu prendre toute la Corée, il prenait toute la Corée. Staline n'a pas aidé les communistes grecs, et d'ailleurs, on lui a largement reproché. Sur le cas albanais, c'est quelque chose qui n'était pas essentiel pour lui. Et tous les travaux à partir des archives soviétiques montrent qu'il y a une certaine prudence. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, il n'imagine pas que, dans le sens de l'histoire, ça soit le communisme qui triomphe, il est marxiste, léniniste, etc. Mais c'est pas du tout la même chose. Alors justement, nous allons écouter un extrait de ce film documentaire Apocalypse qui concerne Staline, parce que dans le cours de l'histoire sur France Culture aujourd'hui, nous réfléchissons à comment raconter la guerre froide avec, c'est vrai, et nous le sentons, deux visions, deux approches différentes. Alors, ce n'est pas des approches. C'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas sûr que ce soit des visions. Alors, laissez-moi terminer à mon tour. Un petit peu. Mais c'est vrai que chacun, vous allez dire, et Pierre Grosseur, vous allez dire à raison que c'est un travail d'historien et que c'est une analyse d'historien. Et vous, Daniel Costel, Isabelle Clark, vous allez défendre votre projet, votre mode de narration. Attendez, moi, je pense que Pierre Grosseur doit attaquer Georges-Henri Soutou, il doit attaquer Yves Journoud, doit attaquer Yvan Cadeau. Alors, disons, vous avez diffusé... Écoutez-moi. Mais Daniel, c'est pas la série qui est en cause. On n'est pas en train de discuter de la série. Non, je déteste cette discussion. On défend pas cette idée dans la série. Je suis désolé, mais je vais prendre quand même quelques cas de crise. Je parle pas d'erreurs de détails qui sont nombreuses. Je parle d'interprétation de crise, parce que là, c'est quand même des choses qui sont importantes. Par exemple, sur la crise de Suez, je doute très largement que M. Soutou vous ait dit que c'est la menace soviétique ou la soi-disant menace soviétique, je termine, la menace soviétique qui a fait reculer les Britanniques et les Français. C'est la pression qui a été exercée par les Américains, notamment sur la livre sterling, qui a fait reculer. Deuxième chose, par exemple, sur la crise de Cuba. Vous expliquez que la crise de Cuba a été une victoire des Soviétiques, l'objectif des Soviétiques étant, en installant des missiles à Cuba, de faire partir les missiles turcs. Ce n'était absolument pas leur objectif. Ça a été un sous-produit de la crise. De toute façon, les Américains devaient les retirer. Excusez-moi, vous m'avez dit que la crise de Cuba était autour des missiles soviétiques, des missiles américains. En Turquie, c'est ce que vous expliquez. C'est ce qu'on explique. Oui, mais c'est faux. Comment c'est faux? Mais c'est faux parce que pourquoi est-ce que... Mais vous n'avez pas le droit de dire, en historien, vous pouvez dire, je pense que c'est faux. Non. Mais ne soyez pas péremptoire. C'est bien l'idée des convictions. Les convictions et les connaissances, c'est deux choses différentes. Ben là, ce sont des connaissances. Non, il y a un travail absolument considérable sur les archives. Je veux dire, on peut faire la compétition. Nous n'avons pas une ligne, un mot qui n'ait pas été vu. Permettez-moi d'en douter. Parce que on sait très bien, que les origines. Pourquoi je peux dire c'est n'importe quoi. Tout a été vérifié par Henri Soutou. Moi, ce que je vous explique, c'est ce qui a été la crise de Cuba et ce qui est le consensus de tous les historiens. Il y a un travail tout à fait considérable. Vous m'expliquez rien du tout. Mais bien sûr. Vous m'expliquez le point de vue de Pierre Grosseur. Mais pas du. Oh là là là là. Et alors, vous êtes le meilleur historien du monde. Daniel Costel. Je travaille sur les meilleurs historiens du monde. Il y a 50 historiens. Mais non, ils ont un consensus sur la crise de Cuba. C'est votre. Il y a un consensus sur les causes de l'installation des missiles de Cuba. D'accord ? C'est et que c'est pas pour faire partir. Mais non, c'est pas les points de vue. Comment c'est pas votre point de vue ? Il y a des tonnes d'archives là-dessus. Daniel Costel, on va pas en terminer sur cette question-là. Est-ce que Soutou est un bon historien ou pas ? Mais c'est un bon historien, mais orienté sur la question, justement, de la guerre froide. C'est quelqu'un qui parle de chevalier atlantique, qui pense que celui qui a eu le plus raison, c'était son père dans l'histoire de la guerre froide. Il y a d'abord d'autres historiens, et j'ai fait un compte-rendu très long du livre de Soutou, vous auriez pu le regarder, ça aurait pas été quelque chose de totalement inutile. Et je répète, pour la crise de Cuba, que c'était pour défendre Cuba. D'ailleurs, vous ne parlez même pas de l'opération Mongoose que les Américains étaient en train Pascal Clark, deuxième chose, il y a les c'est choses. Isabelle. Je dis Pascal Clark, c'est très drôle ça. Hommage à la radio du passé, une voix qui surgit. Attendez, on sent bien que ici il y a. On fait une synthèse de l'histoire. Concurrence des ouvrages de Monsieur Grosseur pour qui j'ai beaucoup d'estime. On fait un travail pour donner envie aux gens de s'intéresser à l'histoire. Il n'y a pas quelque chose de définitif. Donc voilà, on se chamaille vous sur avez un une truc. Non, on ne chamaille pas, c'est une question de responsabilité. Moi, j'étais enseignant, je suis dans le secondaire, je suis enseignant dans le supérieur. La grande question que je me pose, et que c'est une question que je vis depuis 35 ans que je suis enseignant, c'est que vous allez avoir des élèves et des étudiants qui vont vous regarder, des professeurs qui vont vous regarder. Ensuite, donc, vous allez avoir des élèves qui, soit en écoutant la professeure, soit en lisant, en regardant, vont faire dans leur dissertation, vont parler de la crise de Cuba, vont parler aussi de la guerre du Vietnam, enfin tout un tas de choses sur lesquelles j'ai un certain nombre de désaccords profonds. Qui ça va être à l'encontre de ce que leur professeur va dire. Alors, qu'est-ce qu'on leur met? Est-ce qu'on met toutes ces faux? Écoutez-moi bien. Oui. Écoutez-moi bien. Je vous écoute. C'est pas en parlant plus fort qu'on a plus raison. Moi, je vais vous dire, nous avons eu une discussion à peu près semblable quand nous avons fait en 2009 39-45 avec tout un tas d'historiens qui se sont fait une sorte de petite réputation. Ils étaient de Mulhouse ou je sais pas quoi, en attaquant justement l'aspect historique de nos émissions. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas, si vous voulez, nous avons un collège d'historiens. Alors évidemment, on peut dire Soutou c'est pas bon. Bon, d'accord. J'ai jamais dit que Soutou n'était pas bon. J'ai beaucoup d'admiration. Il était dans mon jury de thèse, vous savez. Eh bien alors, s'il a accepté, vous n'avez pas le droit de douter qu'il n'a pas été d'accord, puisque sur chacune des lignes qui a été faite, comparez ce qu'il a écrit même dans son livre. Il a sûrement pas écrit que la crise de Cuba c'était pour faire partir les missiles de Turquie. Non, laissez-moi finir ma phrase. Tout ce que nous écrivons est donné au collège d'historiens et il n'y a pas une ligne qui n'est pas acceptée. Mais moi, je vais vous dire une chose. Nous avons eu ce genre de discussion avec ce genre d'historiens en 2009. Ce genre d'historiens. Et aujourd'hui, le livre de troisième d'Histoire Géo de chez Attier porte la mention avec le concours d'Apocalypse. Oui, alors voilà, après on peut, c'est vrai, discuter des politiques, mais je comprends bien. Au début, je vous en prie, on a toujours des historiens qui viennent nous dire Daniel vous Costel. Êtes des nuls. Non. Ce qu'on cherche surtout, c'est à être de toute manière formidable, à montrer l'histoire à des jeunes gens, et ils nous rendent bien. On a des témoignages tout à fait émouvants, et on est très contents, et c'est des belles émissions, et on est très contents de les montrer. Oui, bah, voilà, c'est vrai, à partir de là, vous allez me laisser dire un mot, les uns les autres. C'est vrai que le débat est complexe et surtout, c'est vrai qu'on va sentir qu'il tourne en rond si on est sur chacun une position. Et on a bien compris que vous justifiez Apocalypse en disant que ça a été relu par des historiens, dont Monsieur Soutou, qui est tout à fait légitime. Moi, je ne prends pas part au débat. Et Pierre Grosseur, on voit bien que vous n'avez pas du tout la même démarche. On va faire une pause et tout le monde en a besoin, je crois. En écoutant Janis Joplin, Crybaby, bah justement, c'est dans le film documentaire Apocalypse. C'était en 1970. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Thank you. Janis Joplin, Cry Baby dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane, Viudès, Camille André, Alice Rouet. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui, nous réfléchissons à la manière d'appréhender la guerre froide, de raconter la guerre froide 30 ans après la chute du mur, à partir du documentaire diffusé sur France 2, Apocalypse, la guerre des mondes. Le 12 novembre, ce sont les trois épisodes, les trois derniers, les autres sont à voir en replay, hein, donc sur le site France 2. Et il y a eu comme un débat, je l'ai perçu ainsi au début d'émission, autour de la véracité historique, de la validation du récit. Pierre Grosseur, vous expliquez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est raconté, en tout cas sur les ampes. Un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Et Daniel Costel, Isabelle Clarke, qui avait réalisé ce documentaire, vous nous dites qu'il a été validé par des historiens. Moi, je voudrais qu'on prenne juste un regard un peu distancié face à la chose. Pierre Grosseur, quand vous regardez un documentaire qui dure 6 heures autour de la guerre froide, il y a, c'est vrai, des points où l'on n'est pas d'accord. Ce sont par exemple la crise de Cuba pour expliquer le pourquoi. Et puis après, il y a une vision plus générale de l'ensemble sur raconter quelque chose d'aussi vaste, difficile à définir. On a dit à partir de quel moment commence la guerre froide, quel regard porter. La guerre froide, vous acceptez de l'expliquer uniquement comme une rivalité entre deux blocs? Vous pensez que l'impérialisme, on va dire, suffit à expliquer la guerre froide? Alors, la guerre froide, effectivement, en Europe notamment, on a très vite eu l'impression que c'était deux blocs. Et il faut bien voir que ces deux blocs se fixent définitivement seulement en 1955, avec la rentrée de la RFA dans l'OTAN et la naissance du pacte de Varsovie. Et à partir de ce moment-là, la guerre froide est d'une certaine façon gelée, la question berlinoise est un irritant, et finalement le mur, d'une certaine façon, fait disparaître cet irritant, parce que le mur ne menace pas Berlin-Ouest. En revanche, ce qui est important, c'est qu'à partir de ce milieu des années 50, l'essentiel de la guerre froide se passe ce qu'on appelle déjà le tiers-monde, puisque c'est en 1952, on le sait tous, que ce terme a été entre guillemets inventé. Alors il y avait déjà eu un certain nombre de tensions en Asie, et notamment la guerre civile en Chine, notamment la guerre de Corée, la guerre d'Indochine qui devient vraiment une guerre de guerre froide à partir de 1949-1950. Et puis après, c'est vraiment une rivalité à l'échelle mondiale, mais aussi un élément de coopération, donc rivalité à l'échelle mondiale, donc il faut parler de l'Afrique, il faut parler de l'Amérique latine, du reste de l'Asie, par exemple quand même, l'Indonésie, 1965-66, c'est 800 000 à 1 million de prétendus communistes qui sont massacrés, ce qui est quand même quelque chose d'assez terrible. Vous avez ensuite, dans l'ensemble du tiers-monde, des moments plus ou moins importants. Là, par exemple, le tournant de l'arrivée de Castro au pouvoir, c'est fondamental. On sait que l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique d'un régime qui est déjà communiste depuis 1978, c'est un tournant relativement important qui fait que les Américains vont être beaucoup plus concentrés sur le Moyen-Orient. En gros, tous les morts de guerre américains meurent en Asie orientale jusqu'en 79, et à partir de 79, il meurt essentiellement dans le Moyen-Orient. Oui. Mais en même temps, ce qu'on sait aujourd'hui, et ce qui est aussi important à montrer, au-delà des questions stratégiques et nucléaires sur lesquelles on pourra revenir, parce que c'est évidemment une histoire très longue, dangereuse à certains moments, c'est que c'est aussi des éléments de coopération ou de compétition, finalement, de modèles de modernisation relativement similaires. Et on a un certain nombre de pays qui vont avoir des coopérants américains, qui vont avoir des coopérants allemands, soviétiques, est-allemands, etc., etc. Donc vous avez des... Voilà, c'est un phénomène qui est très complexe, et aussi des coopérations finalement sur un certain nombre de sujets, par exemple dans la lutte contre des pandémies à l'époque, eh bien, ou sur des grandes maladies, eh bien, dans les organisations internationales, vous avez des gens de l'Est et de l'Ouest qui coopèrent. Daniel Costel, Isabelle Clarke, quand on étudie un moment aussi long qu'est la guerre froide, qui touche le monde entier avec énormément de cas, qui chacun a besoin d'être contextualisé, expliqué, nous sommes sans cesse dans des situations différentes, et surtout quand on est tributaire de l'archive, vous appuyez sur des archives, il y a des choix à faire. Comment se construit un tel documentaire? J'imagine qu'on veut raconter quelque chose sur l'ensemble de la période, et ensuite il y a des choix faits selon ce dont on dispose et selon ce que l'on veut dire. Au départ, le choix a été fait de raconter les points chauds de l'Asie du Sud-Est. Donc effectivement, on n'aborde pas l'Afrique, etc. Et donc voilà, c'est sûr que c'était une période très large, très compliquée. Donc le point de vue est déjà fixé. C'est le contexte politique, géopolitique, Est-Ouest, avec les points chauds en Asie du Sud-Est. Donc on rêve un film, on écrit un film, et on travaille avec nos documentalistes, on va chercher les images. Dès le départ. Avec des historiens, on va chercher les images, et effectivement, le film dont on avait rêvé s'éloigne, puisque les images nous arrivent et c'est autre chose qu'on va... Voilà, donc c'est constamment une lutte entre ce qu'on a envie de raconter, ce qu'il faudrait raconter, et le matériel qu'on a. Daniel Costel ? Moi, si vous voulez, je rends hommage à Isabelle Clarke, qui est à la fois mon épouse et le co-réalisateur de ces films. Sacré délire. Chaque fois, on est extrêmement précautionneux, et chaque fois qu'on est face à d'abord, on est des étudiants attardés aussi, hein, avant de commencer à travailler, avant de commencer à rechercher des documents, on s'imbibe d'énormément d'ouvrages. Je dois dire que il y a un problème fondamental. D'abord, évidemment, je refuse toute idée qu'il puisse y avoir des choses fausses. Il peut y avoir des interprétations de ces choses, mais il n'y a rien de faux du point de vue de notre collège d'historiens. Bon, donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut se régler, même dans les tribunaux, avec entre nos historiens et Monsieur Grosset. Mais ce que je crois, c'est que, par exemple, dans les termes, quand tout à l'heure je disais ce genre d'historien, parce qu'effectivement, pour moi, c'est un genre. Voilà, il y a quelques années, Monsieur Grosset, il y a quelques dizaines d'années, Marie-France Garraud a dit quelque chose de formidable. Elle a dit, je crois que l'erreur fondamentale, c'est de penser qu'il y a deux blocs. Il n'y a pas deux blocs. De même qu'il n'y a jamais eu ce qu'on appelle l'impérialisme américain. Il y a eu un impérialisme communiste, un impérialisme marxisme. Cet impérialiste, on le trouve d'abord quasiment terrorisé par Trotsky. Et cet impérialisme n'a pas pu continuer. Il a attaqué sans arrêt. C'est pas un bloc non plus. Il n'y a pas de bloc soviétique parce qu'il y a l'Union soviétique. Il y a l'armée rouge. Basta. Et ces gens-là, Staline d'abord et ses successeurs, veulent grignoter le monde dit capitaliste. Alors ça, c'est un Daniel Costel. C'est du Marie-France Garraud, oui, dont tout le monde sait les orientations politiques. Et je n'ai pas historienne. Mais vous devriez avoir beaucoup de respect pour Marie-France Garraud. De même que vous devriez avoir du respect, au lieu d'avoir ce petit sourire, il n'y a pas la télé là, sourire condescendant. Écoutez, toute l'histoire est en train de changer. Nous sommes sûrs que notre série est une très belle série, très publique, très, très forte, et qu'elle touche beaucoup. Et il faut savoir que maintenant, les choses autour de vous changent. Elles ne sont plus dans ce que vous prétendez, avec un petit sourire ironique, parce que l'impérialisme américain n'existe pas depuis 1992. Je crois que les Américains ont été sans arrêt sur la défensive. En Irak, par exemple, en 2003. Mais attendez, on vous parle, c'est la guerre froide, ça? Mais je vous parle de la guerre froide. Oui, et du sujet. Ils sont pas intervenus en Amérique latine dans les années 20? Mais attendez. Ils sont pas intervenus en Amérique latine dans les années 20. Le KGB n'est intervenu nulle part. Je suis pas en train de dire que le KGB n'intervient pas, mais vous dites qu'il y a que les Soviétiques qui sont impérialistes. Je vous dis simplement que le monde américain a été sans arrêt sous une forme défensive. Oui, c'est ce qu'on disait dans les années 50, et depuis on a les archives qui montrent que c'est totalement différent. D'accord, mais voilà. Daniel Costel dispose de ce genre d'enseignement et à nos malheureux élèves de sciences. Daniel Costel, alors là, je rentre un tout petit peu dans le débat, mais c'est vrai que vous nous présentez quand même un choix, une lecture historique qui me pose problème dans l'impérialisme également. Et pourquoi l'autre version vous pose pas problème? Je pense qu'elle est plus proche. Parce qu'elle est communément adoptée. Parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Sur quoi? Il y a l'impérialisme américain. Alors laissez-moi. Comme si George Orwell n'avait pas existé. Personne n'a dit qu'il n'y avait que l'impérialisme américain. J'ai dit il y avait aussi l'impérialisme. Excusez-moi, Daniel Costel. Chose qui est totalement différente, de nature différente. Tout pareil. Laissez-moi poser cette question parce que c'est un choix. Vous l'avez évoqué. Vous l'avez. Non. Vous n'allez pas dire un mot, s'il vous plaît. Laissez-moi poser la question. question. Mais non, mais sinon je parle sur vous et vous m'entendez pas. Non, la question, c'est pourquoi vous n'avez pas, par exemple, parlé des dictatures en Amérique latine où la CIA agit. C'est aussi une question. Pourquoi? Parce qu'on avait 6 heures et que le choix était comme ça. Non, mais parce que. Monsieur Mauduit, juste un mot sur ce qu'on appelle l'impérialisme américain. Non, attendez. Il y a des choses qui sont des choses historiques incompressibles. Le credo absolu de Truman et des Américains en 1945, c'est rapatrier les boys. L'électorat est un électorat complètement isolationniste. Donc, par conséquent, il n'y a aucun impérialisme. C'est l'inverse. C'est le repli. Et ne plus jamais faire de guerre. Ils prennent pas des bases dans le Pacifique en 45? Non, mais attendez. Nous sommes en train de vous parler. Est-ce qu'ils ont des non, mais justement, bases dans le Pacifique? Ça, la démarche de l'historien, c'est de montrer ce qui s'est passé à Potsdam. C'est-à-dire qu'à Potsdam, lorsqu'il est arrivé à Potsdam, Truman voulait se désengager totalement. Non, il voulait gagner la guerre contre le Japon. Je parle de l'Europe. Il voulait se désengager totalement de l'Europe, rapatrier les boys. Ça s'est fait progressivement après. Effectivement, il est revenu ensuite. Ça, on est tout à fait d'accord sur ce processus. C'est pas un problème. Mais l'Europe, ce n'est pas l'Asie. Et en Asie, ils sont au Japon, ils ont des bases dans le Pacifique en 1945. De toute façon, la série s'appelle La guerre des mondes. Isabelle Clarke. Alors, je sais pas, on conteste qu'on n'est pas allé en Amérique du Sud, en Afrique, bien sûr, mais il faudra faire 6 heures en plus. Non, attends, c'est pas tellement ça la contestation. C'est plutôt la philosophie générale. La philosophie. Non, je peux dire quelque chose. Non, mais attendez, je voudrais lui demander quelque chose. Non, je suis pas un historien communiste. Ça va, je vais dire 2 secondes. Je pense que la série nous montre aussi. Montre aux téléspectateurs ce que nous serions devenus si effectivement le projet communiste était allé au bout aussi. Enfin, je veux dire, voilà, non, c'est ça. Comment on aurait vécu? Mais qu'est-ce que l'on sait? Est-ce que vous avez trouvé, en faisant des recherches, des plans de guerre offensifs avec la volonté de la part des soviétiques d'envahir l'ensemble de l'Europe? Mais on n'en est pas. Staline meurt en 53. Après, il y a la Chine. Monsieur Grosser, qui voulait envahir le monde. Non, mais je veux dire la puissance de la Chine. Non, mais Monsieur Grosser, je voudrais vous poser une question. Daniel Costel, rapprochez-vous de votre micro parce que nous sommes à la radio. Vous me parlez des dictatures. Vous me parlez des dictatures. Ok. Alors, c'est affreux les dictatures. Je suis d'accord avec vous sur Batista. C'est un horrible tout ça. Mais vous pensez pas que la dictature qui a suivi Batista est encore pire? Mais ça, c'était une question de jugement, et je pense effectivement. Non, c'est pas une question de jugement. C'est une question d'histoire. Non, une question d'histoire. Je veux dire, vous pouvez sur l'histoire du castrisme aussi en l'expliquer en partie par la pression américaine, etc. Non, mais c'est vous qui avez parlé de dictature. Non, mais j'ai jamais dit que les dictatures communistes étaient bien. Je veux dire, personne n'est en train de partir de ça. Je veux dire, et je le dis dans mon livre à plusieurs reprises, qu'on est des dictatures. Je suis pas nostalgique de l'RDR. J'ai toujours considéré que l'Union soviétique, la vie à l'intérieur de l'Union soviétique est quelque chose d'absolument terrible. Mais là, on est en train de parler de politique extérieure. Ce n'est pas la même chose. C'est pas parce que vous avez un régime qui, à l'intérieur, est un régime totalitaire, qui veut s'étendre dans le monde. Mais bien entendu qu'il veut s'étendre dans le monde. C'est ça le résultat. C'est ça l'idée. Vous vous trompez, monsieur Grossert, sur toute la ligne. Alors, écoutez. Il est 9h49, je crois que Pierre Grosser vient de synthétiser le mieux ce débat. Bon bah écoutez, non mais c'est ça, nous sentons bien, malgré tout, je suis un peu étonné, je vous le cache pas, Daniel Costel, de vouloir porter sans cesse le débat sur la polémique, parce que... Je ne sais pas qui veut la porter, je crois que c'est Monsieur Grosser dès le départ qui a commencé à discuter, franchement, c'est normal, on est là. Sur le fond, vous allez avoir des gens qui regardent ça et qui vont se dire, c'est ça la vérité alors que ça ne l'est pas, sur un certain nombre de sujets. Vous avez dit que c'est la vérité. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas de vérité. C'est bizarre. Adressez-vous à Soutou, adressez-vous à notre collège des... Eh ben, lisez Soutou, vous verrez qu'il a jamais dit que la crise de Cuba, c'était de faire partir les missiles de Turquie. Jamais, parce que personne n'a jamais dit ça. Je n'admets pas votre condescendance. Mais c'est pas une question de condescendance. Par rapport à Pierre Rigoulot. Mais c'est pas une condescendance. C'est quelqu'un qui est orienté, on le sait très bien, et c'est quelqu'un qui est profondément anticommuniste. Il est anticommuniste, c'est pas bien. Mais j'ai pas dit que c'était pas bien. Mais est-ce que voilà Sartre devant vous, monsieur. Voici la deuxième bonne synthèse de Pierre Grosser. Oh là là là là. Non, juste dire, c'est vrai que nous sommes dans une émission d'histoire. Nos auditeurs aiment l'histoire ou font de l'histoire, énormément d'enseignants. Il y a une lecture à faire très facile. Je pense que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le groupe Facebook du cours de l'histoire ou ailleurs, le débat peut s'engager entre cette lecture que vous nous proposez, Daniel Costel et Isabelle Clarke, avec une volonté... Que